Voici Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes et à demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cairn, c'est pas du tout un acronyme. Un cairn, qui était un cairn, donc vous savez, des monticules de pierre qui sont destinés à baliser les chemins de montagne. Un cairn, on ne le fait pas pour soi. Le principal destinataire, le principal bénéficiaire n'est pas celui qui le fait, mais celui qui va suivre. Cette semaine, une histoire de portail. Et donc nous, notre vocation en tant qu'éditeur de sciences humaines, c'est des passeurs d'idées, des passeurs d'idées nouvelles, de faire connaître des réalités. Il y a tout un monde de la recherche qu'il faut faire connaître au public spécialisé, mais aussi au grand public. Et on s'est dit, peut-être qu'il peut y avoir des solutions du côté du numérique. Aucun des auteurs, en tout cas, ou très peu, vraiment très très peu, ne s'oppose à la mise en ligne de leurs travaux, en disant, a priori, c'est une bonne nouvelle. Même type d'accueil chez les bibliothèques qui nous disent, enfin une offre de langue française au format numérique pour des revues qui sont importantes. De l'édition. Mais dans le futur, ce qui est certain, c'est que il y aura des pôles thématiques qui répondent à des besoins vraiment de recherche assez précis, je pense. À la diffusion. Le Japon est un cas d'étude assez intéressant puisque on comptabilise aujourd'hui une vingtaine d'universités japonaises ayant souscrit à une licence d'accès à la collection de revues sur Cairn Info. Comment faire circuler la recherche? Pour cette semaine de rentrée, nous nous retrouverons donc une deuxième journée dans les locaux de Cairn, au lieu de concentration des revues dans le domaine très large des sciences humaines. À l'heure actuelle, quelques 450 revues dans bien des domaines, avec entre autres celui des domaines qui pourraient nous convenir le plus naturellement, à savoir l'histoire. Seront avec nous aujourd'hui pour évoquer cette aventure Marc Minon, fondateur de cette revue, le jeune Thomas Parizeau, qui s'est embarqué très tôt dans l'aventure, ainsi que François Gèze, également rattaché à cette aventure, ancien directeur des éditions La Découverte, président du groupe universitaire du Syndicat National de l'Édition. Marc Minon, comment arrivez-vous à faire la transition entre la maison d'édition du bout dont vous nous avez parlé, et puis l'endroit où on se trouve à présent, à savoir Cairn, C-A-I-R-N, comment ça se fabrique, comment ça se construit et qu'est-ce que ça suppose comme moyens? Est-ce que les moyens à engager sont des moyens conséquents, importants? Aujourd'hui, nous nous trouvons dans des locaux dans lesquels je crois vous êtes depuis quelques courtes années, mais c'est toujours pareil, ce type d'objet qui se construit au fur et à mesure. Donc vous avez dû démarrer plus petit, puis vous avez grandi au fur et à mesure. Donc si on doit repartir vers la genèse de la chose. Quand on a commencé, effectivement, on a commencé avec une structure petite. On n'est pas dans la mythologie du garage, si vous voulez, mais presque. On était trois ou quatre pour commencer. Mon ami Jawad, qui est à 20 mètres d'ici, en fait, Jean-Baptiste de Vatter, qui continue à nous accompagner. Alex Bergonzo aussi, qui s'occupe aujourd'hui du travail d'accompagnement, en fait, des internautes, et Claire, donc plus que 3, 5, en fait. On a commencé à une échelle effectivement petite, puisque au début, l'enjeu était de pouvoir convaincre d'autres responsables de revues, d'autres maisons d'édition, d'autres structures éditoriales, du bien fondé de notre approche. Mais ça, c'est votre idée personnelle? C'était projet personnel, effectivement, oui. C'est intuitif de votre part ou... La construction du projet que nous avons monté avec les éditions de Book, notamment avec Georges Yoss, nous a quand même pris 1 an et demi, 2 ans. Il s'agissait de bien essayer. On n'était pas du tout dans une logique, je sais pas, des start-up qui voient le jour aujourd'hui, qui consiste à dire On essaye très rapidement. Ça marche. On échoue. Et puis, si on échoue, c'est pas grave. On va rebondir. Les risques sont mineurs. Nos erreurs, ouais, etc. Ouais. On était toujours, du fait de mon âge, peut-être, du fait également de la culture, je pense, des maisons d'édition, de ne s'engager dans un projet que de façon relativement rationnelle ou réfléchie. Donc on a mis un an et demi à construire un modèle d'affaires, en fait, à développer notre argumentaire, à regarder les besoins nécessaires. On a fait ça, et ça nous a permis, sans doute, ça a retardé un peu le projet, mais ça nous a permis aussi de ne pas, au départ en tout cas, commettre, je pense, trop d'erreurs. Thomas Parizeau, vous travaillez auprès de Marc Minon depuis une quinzaine d'années. Vous vous souvenez des mots qu'il utilise pour vous en parler? Parce qu'on peut comprendre que vous ayez dit oui à tout intérieurement tellement vous aviez envie d'avancer dans la vie. Voilà. Mais peut-être avez-vous quand même oui réellement ces propos? Et si c'est le cas, est-ce que vous vous souvenez d'une formule peut-être qui a pu encore plus vous attirer? J'ai l'impression qui, si je me remets un peu à l'époque, l'impression qui se dégageait de mon premier entretien avec Marc, c'est le côté hyper spécialisé des publications qu'il décrit. Donc tout de suite, il est très franc en disant on est sur des revues qui touchent des niches. Et cette idée qui est déjà présente que, d'une certaine façon, la somme des niches peut créer une audience qui... Cumulée. Cumulée, exactement. Qui transcende un peu et qui fait masse et qui fait sens. Il vous donne quelques exemples de niches? Je pense, à l'époque, j'ai très peu de connaissances du secteur. Je sais qu'il sort d'un rendez-vous à l'époque juste avec la librairie de Citre, hein, parce que moi je fais mes études à Lyon à ce moment-là et on se rencontre juste à proximité de la librairie de Citre. Bon, groupe lyonnais. Absolument. Et que, effectivement, je pense qu'une des images qu'il emploie, c'est que on parle là du rayon peut-être un peu profond dans la librairie, un peu au fond, celui que les étudiants essayent peut-être un peu d'éviter. Rarement exposé à la lumière. Rarement exposé, tout à fait. On n'est absolument pas dans une vitrine. Et que c'est ce monde-là qu'on se propose d'une certaine façon de remettre en lumière. Ah, donc un peu... Bon, il est moins emphatique peut-être que je ne le suis aujourd'hui, toujours dans un discours très précis, très technique. Mais effectivement, je vois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce projet. C'est ce qui émane un peu du propos de Marc. Beaucoup de stratégie. Et je pense que j'ai aussi un petit goût pour ce côté stratégique, voire politique. Alors, qu'on fasse un tout petit peu un étage, est-ce que ces propos, eu égard où on est Internet à l'époque, vous paraissent déjà immédiatement envisageables ou vous sentez qu'on est en train de parler de quelque chose qui pourrait bien advenir, certes, mais d'ici un certain temps? Alors, le projet en 2004 a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'années de réflexion. Je pense qu'il a déjà été préparé, incubé un certain temps. Et Marc a déjà, je pense, à ce moment-là, présenté, rassemblé des actionnaires, créé la structure, rassemblé un début d'équipe et a, d'une certaine façon, les éléments pour commencer. Donc, on sent que le projet va commencer à se mettre en œuvre. À l'évidence, et Marc ne s'en cache pas, c'est un défi assez important. Mais on voit bien ce qui, même si peut-être il y a un risque que ça ne fonctionne pas, qu'il y a une tentative très intéressante sur le contenu. Moi-même, qui m'intéresse un petit peu au numérique, j'ai travaillé juste avant chez Gallimard sur le premier site de la revue Le Débat à l'époque. Donc là non plus, sans trop comprendre tous les enjeux, je vois bien que pour un certain type de publication dans l'édition, ce changement de support pose toute une série de questions qui sont des questions assez profondes, qui ne sont pas que des questions techniques ni liées à la diffusion, et que je vois que Marc, d'une certaine façon, s'en saisit absolument. Donc d'une certaine façon, on va là être au cœur du sujet. Que ça ne fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, il y a énormément de matière à apprentissage. Et j'en suis encore à ma formation initiale et je me dis que c'est une formidable opportunité de faire quelque chose d'un peu différent dans l'édition et d'apprendre énormément sur peut-être des transformations qui sont déjà un peu à l'œuvre. L'expérience que vous aviez acquise, Marc Minon, dans le domaine de la production dans le cinéma en Belgique, oui, par exemple, auprès des, oui, frères Dardenne, est-ce qu'elle a pu vous servir? Est-ce que ça s'est ajouté à votre expertise? Parce que, une fois encore, vouloir, c'est une chose, mais s'improviser sur des registres qu'on n'a pas encore entamés, sur en plus de ça un territoire relativement nouveau, ça suppose quand même des travaux d'équilibriste un petit peu, non? Alors, effectivement, ce qui était, je pense, enfin, en essayant de rationaliser a posteriori des choses, ce qui était commun entre le travail que j'avais eu l'occasion d'effectuer avec Luc et Jean-Pierre Dardenne, et puis le travail que j'essaye de réaliser maintenant avec chacune des structures éditoriales qui portent les revues que nous diffusons, c'est sans doute, disons, leur caractère artisanal. Il faut bien voir, à l'époque, maintenant, avec le succès qu'il rencontre aujourd'hui, la structure, les films du fleuve que porte Luc et Jean-Pierre Dardenne, c'est bien évidemment fortement professionnalisé. Mais à l'époque, il s'agissait vraiment d'une structure extrêmement artisanale. Et c'est, d'une certaine façon, la caractéristique aujourd'hui des structures associatives, militantes parfois, dont on parlait, qui portent les revues que nous diffusons, qui sont généralement des structures toutes petites et qui, de ce fait, sont extrêmement attentives, me semble-t-il, à deux choses. Le premier, c'est pouvoir remplir, je sais pas, le but de mission qu'elles ont, c'est-à-dire mettre à disposition le plus largement possible les œuvres à la création desquelles elles participent, mais c'est en même temps essayer de maintenir une économie, fût-elle une économie de taille très réduite, en fait, leur permettant de fonctionner et leur permettant de fonctionner de façon indépendante. Je le rappelle, dans les locaux, ici, à Cœur d'Info, d'où cette acoustique sans doute un petit peu bizarre. L'immeuble est voisin d'un énorme chantier où on est en train d'arracher l'amiante à coups de dents et puis aussi surtout à coups de scieux électriques, d'où le bruit un petit peu ambiant. Mais Thomas Parizeau, racontez-nous un petit peu le parcours que vous faites à l'intérieur et puis arrivons à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Absolument. Donc au tout début, j'essaye modestement d'aider Marc. Je suis basé à Liège, où la société se crée, d'ailleurs incubée à l'époque dans un laboratoire de recherche, qui est celui de Marc, le Lantique, dans d'ailleurs une petite maison au milieu de la forêt du campus de l'Université de Liège, qui est dans une forêt, et il se trouve que le Lantique, ce laboratoire, est dans l'ancienne maison d'un garde-chasse, au fin fond de la forêt. Donc il y a une ambiance... Ça ne s'invente pas, ça. Non. Donc j'arrive dans cette maison de garde-chasse, et modestement, Marc essaye de me mettre à l'œuvre un peu avec lui pour faire différentes choses à l'époque. Commencer à poser les bases du modèle économique de Cairn en approchant un certain nombre de bibliothèques universitaires. Donc lui-même s'en charge. J'essaye de réfléchir avec lui à ce que peut être une grille tarifaire, à ce que peuvent être l'intégration dans des portails de bibliothèques, donc de regarder ce qui se fait à ce moment-là d'un point de vue un peu technique. Et je travaille aussi avec lui au lancement des premiers partenariats avec des éditeurs des revues qui nous amène à contacter, informer les auteurs qui ont contribué dans ces revues. À l'époque, dans des revues uniquement papier. Et donc, on revient vers eux de façon assez massive, c'est ce dont je m'occupe au début, pour réaliser un grand envoi postal à tous les auteurs de revues de sciences humaines à l'époque pour les informer du lancement de Cairn et donc de la prochaine mise en ligne des travaux qu'ils ont publiés au format papier. Ces premières bouées envoyées, quels sont les échos? Alors, on est attentif, puisque c'est la première fois finalement qu'on revient vers une population aussi importante que les auteurs de sciences humaines qu'on se propose de diffuser. On espère que leur réaction sera plutôt positive, puisque Cairn démarre dans un contexte où les publications francophones sont un peu en retard, finalement, par rapport aux publications de langue anglaise. Et on espère, c'est en tout cas notre intuition, qu'ils vont prendre ça plutôt comme une bonne nouvelle, que les éditeurs français se mettent en marche pour proposer une offre numérique un peu structurée et d'ampleur. Est-ce le cas ? Oui, plutôt, effectivement. On a en tout cas, à défaut d'écho absolument tout de suite élogieux, on n'a pas de retour négatif. C'est-à-dire que la plupart des auteurs sont un peu dans l'expectative, en se disant, écoutez, on note le projet et on n'a rien contre. Je pense aussi que Cairn arrive dans un moment où il y a un certain foisonnement d'initiatives, certaines publiques, certaines privées, que les auteurs, d'une certaine façon, attendent de voir, ce qui est assez légitime, en se disant, bon, Cairn est une des initiatives qui, à l'évidence, émerge dans ce secteur, on va voir qui travaille et qui fait quoi, avec quelles approches, quels modèles. Donc il y a un certain moment d'observation, je dirais, et en tout cas, pas d'hostilité, aucun des auteurs, en tout cas, ou très peu, vraiment très très peu, ne s'oppose à la mise en ligne de leurs travaux, en disant, a priori, c'est une bonne nouvelle. Même type d'accueil chez les bibliothèques qui nous disent, et même là pour le coup, l'accueil est extrêmement positif, en disant, enfin, Enfin, une offre de langue française au format numérique pour des revues qui sont importantes pour nous. On commence modestement avec une petite centaine de revues en sciences humaines et sociales. Modestement, c'est déjà beaucoup. Effectivement, il y a d'emblée l'idée qu'il faut avoir une taille critique, d'où la construction de Cairn, qui est une construction d'emblée mutualisée, d'emblée collective, avec, dès le début, 4 éditeurs, mais assez rapidement beaucoup plus, qui se joignent à l'initiative pour justement avoir cette taille critique. François Gèze, ce travail mené, celui qui vous fait réunir autour de la table 4 éditeurs pour tomber d'accord, n'est déjà pas en soi forcément une opération facile, parce qu'il faut de la diplomatie, c'est des questions humaines, c'est des questions d'ego, et qui plus est, quand la chose a la chance de réussir, de bien tomber, comme on le disait, et qu'on va chercher donc à l'accroître, ben on renforce les problèmes. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter, sans nous donner des noms ni des détails, mais qu'est-ce que ça suppose derrière de trouver articuler ça? Vous avez raison, d'autant plus que, comment dire, dans le monde de l'édition en général, et celui des éditions de sciences humaines en fait partie, l'idée que des éditeurs collaborent ensemble pour des projets communs, c'est assez rare, faut bien le dire. Chacun est dans son coin, et puis, non pas qu'il veut écrabouiller les autres, mais il dit « je vais toujours m'en tirer moi tout seul mieux que les autres ». Bon, c'est la conviction. C'est un métier quand même, effectivement, d'individualiste. Voilà. Donc c'était en effet, comme vous l'avez dit, pas gagné. D'ailleurs, si on a réussi à se mettre d'accord au moins à 4 éditeurs pour lancer Cairn, c'est parce qu'on avait travaillé auparavant pendant presque 5 ans. En fait, on a commencé à travailler, je me souviens, à la fin des années 90, à la faveur de rencontres qui étaient organisées notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur sur qu'est-ce que le numérique pourrait apporter. À l'époque, c'était très prospectif, parce que vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Mais néanmoins, c'était intéressant parce qu'on échangeait de l'info, on échangeait des points de vue. Et au départ, il n'y avait aucun projet, aucune idée d'avoir monté un projet commun. Mais petit à petit, en quelques années, ça a permis de créer un affectio sociétatiste, en quelque sorte, des relations entre nous assez sereines pour se dire, finalement, on a plus à gagner qu'à perdre en se mettant ensemble. Alors, tous mes confrères n'étaient pas convaincus de ça. Notamment, je pense aux presses universitaires de France qui nous ont rejoints après, mais au départ, elles ne voulaient pas entendre parler de ça. Voilà, parce qu'elles disaient, le numérique, qu'est-ce que c'est? L'Internet, non. Beaucoup, beaucoup de confrères, en plus. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2000-2001, mettons, au Salon du Livre de Paris, je me souviens, ça m'avait marqué, tout le monde, il y avait des stands de liseuses, des premières liseuses numériques, et tout le monde disait, le livre papier, c'est bientôt fini. Voilà, c'est bientôt fini. Demain, on va tous lire sur des écrans. Donc, voilà, c'est ça l'avenir, c'est le futur, c'est moderne et tout. Bon. Et il y avait, et on nous disait ça. Et donc, tout le monde y est allé, tout le monde s'est mis à essayer de numériser des livres, à les mettre pour les mettre sur les liseuses et tout ça. Et puis, en fait, la technique n'était pas du tout au point. Ça coûtait extrêmement cher. Et donc, ça a été un échec. Et la bulle Internet a emporté tout ça. Et mes confrères, ça, je suis bien placé pour le savoir, en général de l'édition, mais dans notre secteur aussi. Se sont esclaffés. Non, on dit plus jamais ça. Jamais ça. Vous avez essayé de nous fourguer l'idée que le numérique allait révolutionner nos métiers qui existent depuis Gutenberg. Tout ça, c'est des bêtises, c'est pas vrai. Voilà. Donc, le numérique, no way, jamais. Voilà. Et ça c'est resté pendant au moins, je dirais, presque une dizaine d'années. Voilà. Dans notre secteur, du coup, beaucoup de confrères étaient très frileux. Et quand ils ont vu que notre affaire, finalement, fonctionnait, il fonctionnait bien et rendait service, parce qu'ils avaient des retours par leurs auteurs. Il y a des auteurs qui avaient des articles de revue qui, tout d'un coup, se rendaient compte que, alors qu'apparemment, mettons, une revue qui avait 300 abonnés et 150 ventes en librairie, ils avaient moins de 500 lecteurs. Parce que même en librairie, en bibliothèque, ça tourne lentement. Là, tout d'un coup, ils avaient accès à des centaines de milliers de lecteurs potentiels, et le même article pouvait être lu en même temps par des milliers de gens, et en plus d'un bout de la planète à l'autre. Donc ça changeait leurs relations, et puis même pour leur travail quotidien. Se promener dans une banque de données d'articles aussi riche que celle qu'offre aujourd'hui Cairn, mais déjà à l'époque, eh bien, ça change le travail, quoi, tout simplement. On ne travaille plus, moi je me souviens. Déjà, quand on travaillait sur des manuscrits, pour moi, l'édition, c'est ma moitié métier de recherche, parce qu'on passe son temps à travailler sur les textes des auteurs, à voir avec eux comment on peut améliorer, comment on peut préciser, tout ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait en bibliothèque, l'auteur allait en bibliothèque, et puis il grattait, au mieux, il faisait des photocopies. Ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, ça prenait un temps normal. C'est aujourd'hui qu'on dit que ça prenait un temps fou. C'est vrai. Mais moi, j'ai travaillé comme ça pendant 20 ans. Et depuis, maintenant, on travaille tout à fait autrement. On a porté de la main, même sans parler de Wikipédia et des outils comme ça, mais on a n'importe quelle information sur n'importe quoi, en 2 clics, on l'a. Voilà. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, ça change la vie. Et donc, Cairn, de ce point de vue-là, qui présente une offre scientifique qualifiée, puisqu'on choisit bien nos revues, on a des accords précis avec nos éditeurs qui déposent sur la plateforme. Donc, c'est vraiment une offre de très bon niveau. C'est, moi, je vous dis, les meilleures revues francophones de sciences humaines et sociales sont sur notre plateforme. Voilà, les meilleures. Et donc, du coup, ben, pour les chercheurs, waouh! On n'a plus besoin de naviguer sur le web, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, parce que c'est aussi ça le problème. Là, non, c'est qualifié. En plus, il y a plein de liens, plein d'outils, plein de trucs et de machins qui font que c'est un outil de travail extraordinaire. Et donc, les auteurs le disaient à leurs éditeurs qui n'étaient pas encore chez nous en disant... Vous savez, alors, on y va quand ? Voilà, c'est ça, ça change la vie. Histoire vivante, suite des entretiens avec François Gèze, Marc Minon et Thomas Parizeau. On a besoin de savoir, Thomas Parizeau, pour arriver à vers ce type de tour de table, c'est-à-dire faire, pas forcément s'asseoir à la même table, mais en tout cas essayer d'obtenir des accords autant multiples. On a besoin de savoir dans quelle mesure ce genre de table multiple est par définition extrêmement complexe, extrêmement difficile. J'ose dévoiler un secret d'État. Vous m'avez dit hors antenne, Marc Minon, c'est un sacré diplomate. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Un petit peu plus ? Bon, c'est une vision qui est la mienne, hein, d'observateur qui a le seul mérite d'avoir été là depuis le début, finalement. Hein, donc, pourquoi c'est aussi politique ? C'est qu'on est sur des structures qui ont chacune une identité, une histoire forte. C'est une des choses, un des éléments qui fait leur qualité, leur particularité, là. Et que chacune s'est définie aussi d'une certaine façon un peu, pas en opposition, mais en se positionnant par rapport aux autres. L'idée de se mettre en commun, il y a tout de suite une appréhension un peu du mélange que ça peut opérer, d'une certaine façon, du fait de ne pas... Ils sont très attentifs au fait que Cairn ne se substitue pas à leur propre identité, leur propre histoire, et que cette mise en commun ne soit pas une réduction de leur particularité, de leur mode de fonctionnement. Il faut donc négocier au niveau de la délégation, j'entends de la délégation de l'édition. Ça c'est un étage qui doit être, je pense, l'objet de... d'âpres discussions. Effectivement, il y a un équilibre à constituer en disant il ne s'agit absolument pas de remplacer le métier d'éditeur. Au contraire, il s'agit de le transférer dans la diffusion numérique autant que possible. Mais effectivement, en prenant en main certains nouveaux métiers qui sont difficiles à prendre à l'échelle de chacune des maisons d'édition. Une transformation numérique avec une structuration de fichiers, la construction d'une plateforme qui répond à des standards de qualité importants, internationaux, hein, imposés par des grandes structures internationales. Bon, autant de chantiers que les éditeurs, déjà à l'époque, bon, sentent bien qu'ils ne vont pas réussir à tenir ou ne pas tenir longtemps. Hein. Le numérique est une économie, on doit investir à intervalles très réguliers pour faire évoluer les outils. Au fond, ça peut les soulager, donc. Effectivement, il y a l'idée de se dire, vous pouvez nous déléguer, et effectivement, d'une certaine façon, sous-traiter, ou en tout cas, voilà, organiser de façon collective une partie du travail que vous aurez désormais à faire avec ce nouveau support numérique. Et que ça, c'est forcément une modification qui demande à voilà, montrer patte blanche et donner des garanties à ces structures éditoriales qu'on ne va pas chercher d'aucune façon à, bien sûr, se substituer à elles, mais qu'on ne va pas gêner leur travail et qu'on ne va pas, d'une certaine façon, leur imposer des normes qui vont perturber ce qui fonde la qualité de leur travail éditorial, leur relation aux auteurs et ainsi de suite. Par ailleurs, on est dans une économie où la marque, l'image est très importante. Les auteurs eux-mêmes confient d'une certaine façon le fruit de leurs travaux à un éditeur qui est une marque importante. Quinte se retrouve en tant que diffuseur, en tant que représentant de ces marques, et les éditeurs sont très attentifs à ce que justement la qualité de ce qu'on fait soit bien en phase avec la qualité du contenu qui nous confie. Marc Minon, le grand public peut largement imaginer à quoi ressemble une édition littéraire, sachant que les romanciers viennent eux-mêmes à la radio ou à la télévision pour raconter ce qui se passe, et souvent ils parlent directement de leurs éditeurs. Les scientifiques, ils sont quand même beaucoup plus absents, les éditeurs scientifiques, alors encore plus absents. Donc vous pouvez largement imaginer, quand on arrive à votre étage à vous, d'accord, portail d'édition scientifique, d'accord, là on est dans l'invisible absolu. Donc pour essayer de pas mettre des têtes, d'accord, mais de se demander comment fonctionne ce genre d'appareil, oui, peut-être partir d'une réalité que les gens peuvent plus ou moins connaître, une édition littéraire, oui, et puis faire la distinction avec ce que votre activité à vous. Voilà, il est clair que moi, l'édition scientifique, généralement, ne part pas d'un récit, hein, si c'est la question. C'est donc l'expression de résultats de recherche en sciences humaines et sociales, hein, où on essaye de couvrir, disons, toutes les disciplines, allant depuis, disons, l'histoire jusqu'à la philo, de la gestion jusqu'à la psychologie. Il y a à peu près combien de disciplines, d'ailleurs ? Oh, je dirais une grosse douzaine, hein, de disciplines. Hein, enfin, bon, chacune pouvant être, effectivement, hein, si on prend la psychologie... Ayant des petits cousins, ayant des... Oui. Ouais. Voilà. Et généralement, on n'est pas, donc... sous l'ordre du récit, hein, de l'organisation du récit. Au contraire, il y a d'autres canons d'écriture, hein, qui font que bon, il y a un déroulement, en fait, hein, de la pensée qui doit être exprimé avec un certain nombre de références, hein, des références bibliographiques. On ne peut pas affirmer comme cela quelque chose, hein, sans sourcer, en fait, son affirmation, et qui fait d'ailleurs que le numérique, dans le domaine scientifique, a, nous semble-t-il, un rôle de facilitateur tout à fait particulier, puisqu'il est clair que quand il y a une citation, soit cette citation ne sert à rien, mais c'est quand même pas l'idée, si jamais la citation doit servir, l'idée, c'est que l'utilisateur, l'internaute, puisse cliquer directement sur la citation pour basculer d'un document à l'autre. Ce qui veut dire que les objets, à mon avis, que constituent les différentes publications scientifiques, que ce soit les articles ou les numéros de revue, ou que ce soit les ouvrages, ne doivent pas être diffusés sous forme numérique comme des objets fermés. C'est-à-dire qu'on voit bien, on veut diffuser un ouvrage, un Modiano par exemple, sous forme numérique, l'idée c'est quand même en permettre la lecture de la page 1 à la dernière page du volume. Tandis que pour un article scientifique, un ouvrage scientifique, l'idée c'est au contraire permettre une expérience de recherche pour l'utilisateur. Et dès qu'il y a un concept, dès qu'il y a une référence, en fait, dès qu'il y a une auteur cité, c'est de pouvoir basculer, en fait, rapidement du document qu'on consulte vers un autre type de document. Et c'est en quoi il nous semble que le numérique, dans le domaine scientifique... est particulièrement adapté. Exactement. Demain, nous nous retrouverons à nouveau dans les locaux de Cairn pour poursuivre ces rencontres, se mettre au courant, découvrir, lire une vaste recherche dans le domaine des sciences humaines francophones. C'est donc désormais possible grâce à des portails du type Cairn. À demain.